On va passer à Kouaïmi, qui va nous parler de la banalisation du racisme anti-asiatique et des limites de l'humour. Bonjour à tous, je m'appelle Kouaïmi et je viens vous parler de la banalisation du racisme anti-asiatique. Et aussi, j'aimerais bien discuter avec vous des limites de l'humour. Voilà. Moi, quand j'ai commencé à comprendre et à voir le racisme anti-asiatique, en fait, j'ai commencé à en parler autour de moi et j'ai eu différentes réactions. D'un côté, j'ai eu des réactions de soutien et d'un autre côté, j'ai eu des réactions du genre le racisme anti-asiatique, ça existe, ou sinon non, mais ça va, il n'y en a pas beaucoup, ou sinon le fameux non, ça va, c'est pas méchant, c'est de l'humour. Sachant que cette réaction, c'est la réaction majoritaire que j'ai eue. Vous pouvez faire le test vous-même, vous verrez. De là, j'ai même commencé à douter sur le fait que le sujet soit pris au sérieux. J'ai commencé à questionner les personnes concernées. J'ai eu plusieurs réactions aussi. J'ai eu plusieurs. D'un côté, j'ai eu des personnes qui ne le vivaient pas mal, qui ne le prenaient pas mal. Et d'un autre côté, j'ai eu des personnes qui le vivaient mal et même très mal. Voilà, de là, j'ai approfondi le sujet, enfin, étant donné que je suis moi-même concernée. Voilà. Ensuite, j'ai pris des témoignages que je vais vous faire part. Je vais parler en utilisant le pronom je pour garder l'anonymat des personnes. Ça peut autant être des femmes que des hommes. Et si jamais vous comprenez pas que la situation est peut-être raciste, enfin est raciste, pourquoi vous m'interpellez, vous me faites signe, je sais pas, enfin faites un signe pour me signaler que j'explique pourquoi est-ce que cette situation est raciste. Et si jamais personne m'interpelle ou fait quoi que ce soit, je continue, j'estime que vous avez tous compris que ça l'est. Je continue. Voilà. Alors, pour la première situation. J'ai 8 ans, je suis dans la récré, à l'école. Je m'amuse tranquillement et ensuite il y a une amie qui vient, qui me tire. Elle vient m'emmener dans une foule avec plusieurs personnes, plusieurs élèves, à l'intérieur mes camarades, et elle me met devant une personne inconnue. Cette personne inconnue, c'est une adulte, je ne la connais pas, et cette amie me dit: Tiens, regarde, c'est ta sœur. Et puis c'est tout, tout le monde rigole à côté. Ensuite. Alors, j'ai 14 ans. Je suis au collège. Je suis dans les rangs avec mes camarades à côté de moi. Je suis dans les rangs avec mes camarades à côté de moi. Un de mes camarades vient et marche à côté de moi et me regarde en criant Ting Tiang Tiang, puis il ricane. Ensuite, alors j'ai 15 ans. Au collège, on me donne souvent des appellations comme le Shintok, le chinois, petit nem, bol de riz et beaucoup d'autres. Bon. Alors, j'ai 16 ans, je suis au lycée, un camarade vient, me demande mes origines, je lui réponds vietnamienne, il me dit tout simplement, mais vietnamienne c'est de la merde. Et puis c'est tout, sans justification derrière. J'ai 17 ans. Je suis sur Avignon, un touriste, dans la rue. Il y a un bus qui vient, qui passe, qui ralentit devant moi. Le chauffeur me regarde, puis commence à danser le Gangnam Style. Ensuite, j'ai 19 ans. Je suis dans le métro, en train de prendre les transports tranquillement. Je mets mes écouteurs. Un homme vient, m'interpelle et me dit: Hé, Chinois, t'as pas l'heure? Ensuite, j'ai 22 ans, j'en suis à ma troisième agression. J'en suis à ma troisième agression. C'est des agressions physiques avec vol dans ma ville et je n'ose plus sortir. Voilà, pour les témoignages, j'en ai beaucoup d'autres, mais je ne vais pas tous vous les citer. Oui? J'ai juste pas compris celle avec la fille de 16 ans où on lui disait c'est ta mère qui est vietnamienne. Il lui a dit vietnamienne, c'est de la merde. Donc c'est complètement décomplexé, enfin bref. Tu veux que j'explique un peu plus ou... J'ai pas entendu. Comment ? Oui, oui. J'explique un peu plus la situation ou la situation ? Bah, en fait, c'est juste pour dire que dans cette situation, les gens se permettent de faire ce genre de remarques de façon tellement décomplexée, ils ne se gênent vraiment pas. Et la situation, en fait, la personne, c'était juste une question de demander les origines. Elle lui a répondu, il lui a juste dit que c'était de la merde et rien d'autre. Donc voilà. Donc voilà au niveau des témoignages. Et maintenant, je vais vous parler de comment est-ce que ce racisme a été banalisé, des points qui ont influencé. Et si jamais vous avez des points à rajouter, n'hésitez pas. Ou des questions. Oui ? Merci. La dernière situation, c'était trois agressions subies, c'est ça ? Quel est le point où il s'agit d'une situation raciste, du coup ? J'expliquerai dans l'un des points que je vais citer, mais en fait, en gros, c'est pour dire que oui, souvent les gens, ils associent pas le racisme anti-asiatique à des agressions physiques. C'était juste pour montrer que oui, ça existe des agressions physiques. Mais après, je développerai ce point. Je vais citer plus tard. Donc voilà. D'autres questions ? Non ? Oui, j'ai une question. Alors en fait, tu nous as fait part de beaucoup de témoignages où il y avait des situations qui se passaient à l'école. Donc du coup, je me pose une question. Est-ce que l'éducation nationale a un rôle à jouer contre la banalisation du racisme anti-asiatique ? Et si oui, qu'est-ce que tu proposes ? Alors oui, carrément. Donc, je vais citer plus tard un point. C'est carrément aussi le gouvernement qui a un rôle dedans, mais je vais citer ça juste après. Donc, pas d'autres questions ? C'est pas pour banaliser, mais moi je me rappelle, surtout quand j'étais jeune. Dans le quartier, il y avait des Arabes, des Polonais, des un peu de tout. Et en tant qu'enfant, on s'amusait tous ensemble. Mais dès qu'on se fâchait, bon, c'était espèce de sale arabe, espèce de con d'étranger, etc. Moi, j'étais français, mais mon père était gendarme. C'était sale fils de flic. Donc, c'est en quoi le racisme asiatique est différent des autres? En soi, il n'est pas si différent. En fait, le point que je veux dire et appuyer, c'est le fait que ce soit vraiment banalisé. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu de quelqu'un se plaindre de racisme anti-asiatique, mais moi, j'en entends très peu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je viens aujourd'hui. Donc, c'est juste ce point que... Mais sinon, en soi, il n'y a pas d'hierarchie au niveau du racisme, c'est sûr. Donc, d'autres questions ou je commence à venir au point sur... Non ? Ok, donc au niveau des points qui ont influencé le racisme, la banalisation du racisme anti-asiatique, il faut commencer par faire une première chose, c'est créer des stéréotypes racistes de façon à généraliser tout le monde. Donc d'abord, il y a, je pense qu'on en a déjà tous entendu des phrases du genre « tous les Asiatiques c'est des Chinois, les Chinois ça mange du chien, les Chinois... » bon. Je pense qu'il y a énormément de phrases et je ne vais pas tous les citer. Donc ça, c'est la première chose à faire si on veut... Bon, bref. C'est la première chose à faire, c'est créer des stéréotypes. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est faire du racisme, entre guillemets, positif. C'est-à-dire que qu'on va lancer des stéréotypes en généralisant les Asiatiques avec des propos qui, entre guillemets, est positif. Par exemple... les Asiatiques sont forts en maths, les Asiatiques sont forts en informatique, les Asiatiques sont forts en karaté, ils sont calmes, ils sont zen, des choses comme ça. Mais du coup, ça nous, entre guillemets, nous rend peu crédibles, entre guillemets, sur lorsque l'on se plaint, parce que les gens nous répondent, mais de quoi vous vous plaignez ? On vous complimente, hein ? Donc, des choses comme ça, on nous dit. Et du coup, ça nous dissuade de se plaindre. Donc, voilà. Ensuite, troisième point, il y a le fait d'imprégner ça très jeune, par de nombreuses influences. Donc des fois, bon, y a la télé, les médias, les émissions de télé, les films, les séries, enfin énormément de choses. Il y a aussi le fait de ne pas relever les propos lorsqu'on l'en en dit. Il y a le fait de dire des blagues devant des enfants et en rigolant devant eux. Du coup, tout au long de la vie, on est dans un environnement où on se moque constamment des Asiatiques et personne n'est choqué, personne ne se plaint, il y a rien. Donc c'est dur d'en prendre conscience qu'il y a à bout d'un moment qu'on est en fait dans un environnement très raciste au niveau des Asiatiques. Et en fait, ça devient, on commence à en prendre conscience lorsque ça devient lourd. Et d'ailleurs, au niveau des influences par les médias, par ah oui, il y a aussi les pubs. En arrivant, j'en ai vu énormément. Je ne sais pas si vous avez vu les pubs marquées. C'était quoi ? C'était le Japon. Ce que le Japon a de plus chaleureux avec des images de japonais, d'asiatiques, qui sont très très très stoïques, très carrés. Et bref, il y a aussi ça. Et il y en avait énormément d'ailleurs. Donc, alors, ensuite. Oui. Alors, je suis désolé, tu vas me détester, ça va être la fin de notre amitié, genre maintenant. Mais en fait, j'y réfléchissais parce que moi, j'aime beaucoup ces publicités. Pas en général, celle-là, je les trouvais genre assez intelligentes parce qu'elles obligeaient à connaître ne serait-ce qu'un morceau de culture quand tu vois des Bosuzoku, des Yakuza sur les. Ces images-là. Enfin, je me doute bien que c'est stéréotypé et surtout en publicité, les images doivent être forcément doivent simplifier un message, le rendre forcément moins réaliste. Mais je trouvais qu'il y avait une part un peu de recherche derrière ça. C'était pas forcément. Enfin, vas-y. Moi, je suis OK pour dire c'est pour venir à une culture, mais t'es pas obligé de montrer une image d'asiatique très stoïque. Enfin, il y a d'autres moyens de faire venir, de montrer des cultures à travers la nourriture. Il y a pas que, je sais pas, on est d'accord. Il y a pas que le fait de montrer. On n'est pas obligé de montrer des asiatiques très stoïques, très carrés à travers cet écran. Enfin, cet écran, cette pub. Alors, moi, je viens des États-Unis et je crois que là-bas, on a le même problème avec le racisme anti-asiatique. Mais vous avez parlé un petit peu à propos du racisme positif. Et pourriez-vous expliquer, à votre avis, la meilleure façon de répondre à ces problèmes-là ? Parce que je crois que c'est un problème, pour la plupart, unique à la communauté asiatique. Et oui, c'est vrai qu'en Amérique, il y a aussi le même problème, mais je crois que c'est beaucoup plus montré qu'ici en France. Du coup, voilà. Oui. C'était juste pour répondre à ton ancien ami, du coup, on va peut-être pouvoir être amis. Mais je trouve que c'est totalement faux ce que tu dis. C'est pas parce qu'une publicité ou un autre média fait. Fait du racisme intelligemment. Enfin, là, c'était surtout le texte qui l'a dérangé avec ce que le Japon a de plus chaleureux. C'est pas parce que c'est fait intelligemment avec de la culture et de la recherche derrière que c'est pas dégradant pour les personnes. Merci. Donc voilà pour ce point. Je passe à un autre point. C'est au niveau des agressions physiques, c'est qu'on ne soit même pas capable de considérer comme possible l'hypothèse que ce soit dû à des agressions sur des critères racistes. Par exemple, il y a en fait une préfecture de police qui a déclaré. Attendez. Le directeur du Allô. Ah. Alors, il y a le directeur d'une préfecture de police qui a déclaré « Il y a manifestement des agressions qui ont lieu envers la communauté asiatique. » Ensuite, il poursuit en disant « Les agressions ne sont pas liées à des problèmes raciaux, mais au fait que beaucoup de Chinois ont l'habitude de circuler en transportant sur eux de grosses sommes en liquide. Il y a des recettes des commerçants, des enveloppes rouges, des mariages ou l'argent du jeu. Et les Chinois étant assez joueurs. Donc si vous voulez que je vous dise comment la police nous considère aussi. Et en plus, ça influence aussi le point de la banalisation. Et voilà, je vais passer à un autre point s'il y a des gens qui ont... Oui. Il y a juste un truc. Moi, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis. Mais du coup, elle est où la limite entre l'humour et le racisme? En fait, je termine. Après, on en parle. Des questions, des remarques? Non? Ok. Donc ensuite, il y a un autre point. C'est le fait de ne jamais parler des Asiatiques lorsqu'on parle du racisme. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une association qui se dit contre le racisme, qui s'appelle l'ICRA, donc Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Et ils ont un directeur, donc Alain Jakubowicz, qui déclare que les jaunes n'ont pas de souci à se faire. Oui, il a dit les jaunes. Parce que la population chinoise arrivant en France est plutôt de qualité. Si on avait des white people, mon approche serait évidemment différente. Donc cette même personne qui déclare que la communauté chinoise dans le 13e arrondissement de Paris a pris le pas sur l'autorité française. Donc voilà. Et d'ailleurs, il a aussi déclaré qu'il n'y a très très peu de plaintes de la part des Asiatiques. Et en poursuivant en disant que, par définition, ce que l'on connaît pas n'existe pas. Donc pour lui, ça n'existe pas. Et après, il n'y a pas que ça. Par exemple, lorsque l'on parle d'une France bien diversifiée, bien multiculturelle, et qu'on se lance des slogans du genre « Vive la France, black, blanc, beurre », et qu'on nous ignore encore, c'est dommage. Il y a aussi le fait, je ne sais pas si vous avez regardé la dernière campagne gouvernementale contre le racisme. On parle pas du tout des Asiatiques, mais vraiment pas. Donc voilà comment on nous exclut du racisme, comment on nous met à l'écart. Et je pense du coup que même le gouvernement a une part à jouer dessus. Et ensuite, il y a aussi... Il y a ensuite... enfin, est-ce qu'il y a des questions dessus ou je passe à un autre point maintenant? Ok. Donc il y a ensuite le fait de ne pas avoir ou peu avoir de personnalité asiatique à travers les écrans. En fait, par exemple, il y a ce qu'on appelle le whitewashing. Donc si les gens connaissent, c'est le fait de remplacer des personnages non blanches par des blancs. Donc ils ont beaucoup fait ça avec les Asiatiques, je vais vous en citer quelques-uns. Donc s'il y en a qui connaissent Dragon Ball Z, ils en ont fait un film. Et du coup le personnage principal Son Goku est asiatique, mais ils ont voulu prendre une personne blanche. Il n'y a pas que ça, il y a aussi par exemple le prochain film, enfin de base c'est une série d'animation japonaise. Non, un film d'animation japonaise. Pardon, c'est Ghost in the Shell, si quelqu'un a entendu parler. Ça fait légèrement polémique, mais vraiment légèrement. Le fait que la personnage principale soit asiatique, mais qu'on ait pris une femme blanche à la place. Il y a aussi, par exemple, dans Doctor Strange, c'est un film qui sortira prochainement, qui vient de Marvel, et qui est en fait un personnage tibétain. C'est... un personnage puissant, il a des pouvoirs, il est bien, mais ils ont décidé de le remplacer par une femme blanche. Mais le truc, c'est que le réalisateur s'est justifié, il a dit non, mais c'est parce que en fait ce personnage regroupe des clichés, donc je vais prendre une femme blanche. Mais le truc, c'est que dans ce même film, il y a un personnage qui est le servant de Dr. Strange, qui s'appelle Wong. Il est tibétain aussi. Lui aussi fait l'objet de blagues racistes dans le comic. Et il fait aussi l'objet d'un personnage très cliché. Par contre, ça pose pas de problème parce que lui, il est pas très... Dans le comic, il est pas très puissant. Donc du coup, ça pose pas de problème de prendre un Asiatique comme rôle. Dans le rôle. Donc voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions dessus? Non? Merci. Tu viens de parler de Marvel, des bandes dessinées ou des films américains, ou qui passent aussi en France. C'est pour dire que, par exemple, quand on voit le niveau culturel du Front National, qui est sa boutique, c'est le racisme, c'est sûr que il faut bien qu'ils trouvent quelque chose pour dire qu'ils sont supérieurs. Comme ils sont plus bêtes que tout le monde, il reste que le racisme. Mais en même temps, c'est difficile à expliquer, mais on a l'impression, toujours vu dans France, hein, moi je suis un Français moyen, que les étrangers sont toujours plus, tous les étrangers en général, sont toujours plus intelligents que nous. C'est comme ça. Donc il faut bien se défendre d'une manière ou d'une autre. Et le fait de banaliser que dans les films, enfin, par exemple, quand moi j'étais jeune, c'était gamin, juste après la guerre, dans tous les films de guerre, les bons c'était les Américains et les méchants c'était les Allemands, dans tous les films, systématiquement. Bon, maintenant on fait la même chose, avec les Français c'est les bons et les étrangers c'est les méchants. En fait, j'ai pas trop compris la partie où vous dites qu'on a l'impression que les étrangers, ils sont mieux que nous. Enfin, j'ai pas trop compris ce point. Si vous pouvez développer ou développer. C'est pas facile à expliquer, mais apparemment, tu connais pas beaucoup de Français moyens. Mais disons que dans tous les gens que je connais, c'est une espèce d'attente quand on rencontre un étranger, on s'attend à ce qu'il soit plus cultivé, plus informé, peut-être pas forcément plus intelligent. Mais s'il est étranger, il a fait un effort intellectuel pour s'adapter à la France. Donc il pense différemment, il raisonne différemment, et on a l'impression qu'il est plus intelligent, même si c'est pas vrai. Je pense pas que ce soit tout le monde qui pense comme ça. En tout cas, en tant que Français moyen, je sais pas si quelqu'un est Français moyen, apparemment. Oui. Oui, bonjour. J'ai pas suivi le tout début de votre intervention, mais je parle parce que je suis mère de 3 enfants eurasiens, donc d'une jeune fille d'une vingtaine d'années à peu près comme vous, et j'ai constaté pendant longtemps. J'arrive pas plus. D'accord. L'image des Asiatiques, notamment dans la littérature pour enfants ou dans les albums jeunesse, a été très très longtemps et encore maintenant volontiers folklorisée, ce qui n'était pas le cas pour d'autres, d'autres catégories ethniques, on va dire. Et elle, qui a une vingtaine d'années, a connu à l'école, dans beaucoup de circonstances, des plaisanteries, des remarques, qui, sans penser à mal, était balancé bien, bien fort. Voilà. Et même mon plus jeune fille de 16 ans, par exemple, m'a fait remarquer, comme vous, que dans beaucoup de... le rôle des Asiatiques, justement, tend souvent à être minimisé ou remplacé par d'autres. Ça, on l'a vraiment vu. Voilà. Et le côté folklorique, c'est encore vraiment vrai dans les illustrations pour enfants, encore, je trouve. Je trouve qu'on a tendance à les considérer plutôt comme des éléments de folklore à cause du costume, à cause de l'accent, à cause de choses comme ça. Voilà. Donc, merci pour ce que vous avez dit. J'ai pas encore fait de recherche sur tout ce qui est les livres pour enfants, mais je pense que vous avez raison. J'irai me renseigner dessus et tout ça. Et vous avez une question ? C'était plus un exemple, en fait, par rapport au whitewashing, que tu évoquais, tout ce qui est monde de l'animation, etc. Un exemple flagrant, c'est les Power Rangers. Donc, c'est tout ce qui est Bioman ou Power Rangers, etc. Quand moi j'étais enfant et ado, on avait les versions avec les personnages, donc avec les acteurs asiatiques. Et quand est arrivé Power Rangers, en fait, il y a un passage par les États-Unis où toutes les scènes, en fait, où il y avait des acteurs étaient remplacés par des acteurs blancs et avec l'acteur noir pour avoir le quota. Et tous les parties asiatiques étaient gommées et gardaient de la série d'origine uniquement la partie costumée et robots. Et donc, en fait, ça fait depuis les années 90 où tout ce qui est Power Rangers, etc., ils en ont fait des tas de séries. Ça continue au Japon. Il y a le marché japonais où on a les acteurs asiatiques et le marché mondial où on gomme en fait toutes les scènes pour les remplacer. Et là, c'est un exemple typique de whitewashing. Voilà. Et j'avais une question aussi, c'est est-ce que tu connais le podcasteur Le Rire Jaune ? Est-ce que tu en as parlé ou pas avant ? Parce que j'arrivais à peu près. D'accord. Alors, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est il y a le côté, il joue sur tout ce qui est cliché, etc. Il y a un côté autodérision et il y a un côté aussi, bah, il parle de ce qu'il connaît, de ce qu'il a vécu. C'était juste voilà par rapport à ça. Merci en tout cas pour l'information. C'est bien parce que je vais me faire des recherches dessus. Et pour Le Rire Jaune, c'est bien. Ouais, j'ai vu aussi qu'il rigolait sur les clichés. En soi, moi, ça me dérange pas parce que lui, il a connu ça, il a conscience de ça, donc il dénonce ça, ok. Mais par exemple, vu qu'on veut parler d'humour et qu'on doit discuter dessus, en fait, moi, mon avis sur l'humour, c'est que vu que c'est très subjectif, faut connaître la personne avant de faire de l'humour sur celle-ci. Et voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des... En fait, moi, j'aimerais bien discuter avec vous sur l'humour, et vu que c'est subjectif, et j'aimerais bien savoir s'il y a des gens, vu que je reçois souvent cette raison, à chaque fois que je relève une remarque raciste, cette personne me dit non, c'est de l'humour. Est-ce qu'il y aurait des gens qui connaissent des situations dans lesquelles ça pourrait ne pas être raciste, ne pas être considéré comme raciste, et si, dans quel contexte et tout ça? Alors moi je suis assez friand d'humour déjà de base. J'aime bien la phrase qui dit qu'on peut rire de tout et pas avec n'importe qui. Mais dans le sens où pour moi la blague raciste elle s'arrête là où la personne... Enfin c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais à partir du moment où tu fais une blague, je te fais une blague mettons, on se connaît, j'en ai fait et tu m'as fait des remarques dessus et j'ai arrêté effectivement. À partir du moment où ça gêne la personne, c'est là où ça devient dérangeant. Mais peut-être que je me trompe. Après, à partir du moment où la personne rigole avec toi et trouve que c'est drôle, l'humour prend le pas sur le côté raciste. Surtout si la personne qui fait cet humour-là a pas la pensée derrière de... Non. Enfin, moi, je trouve que c'est ça. Moi, pour réagir, enfin moi, Pascal, j'ai 55 ans, donc je vais remonter beaucoup plus loin. Je pense que nos sociétés sont construites aussi des fois dans d'énormes conflits. Notamment, enfin, on a avec nous un Américain. On sait que, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des gros soucis quand les États-Unis se sont engagés dans la guerre, notamment avec le Japon. Et là, on a vu tout d'un coup se généraliser de l'anti-japonais, mais y compris en les mettant dans des camps, etc. En France, on a eu la guerre d'Indochine. Enfin, je veux dire, on a les Américains après, il y a eu la Corée. Donc, de toute façon, concernant, enfin, je parle que pour parler de l'Asie, hein, parce que c'est pour te dire que pour moi, tous les stéréotypes, à un moment donné, ils sont profondément ancrés dans une culture et une histoire de qui ont aussi été des nations colonisatrices. Et par exemple, je connais moins vos mangas, enfin des choses comme ça, mais moi je suis la génération où on lisait par exemple Tintin au Tibet, ou même les Lucky Luke, et clairement par exemple aux États-Unis dans Lucky Luke, l'asiatique c'est toujours celui qui nettoie le linge, quoi. C'est celui qui fait le boulot avec un visage très simiesque, enfin voilà, et moi c'est vrai que c'est des souvenirs comme ça. Moi il me semble qu'à un moment donné, ce qu'il faut espérer, c'est au fur et à mesure où à un moment donné les gens se sentent à l'aise, on peut rire ensemble parce qu'on est à l'aise. Et moi, je pense que toutes les minorités ont toujours été, à un moment donné, très malmenées parce qu'en vérité, elles sont dans un endroit où ils sont beaucoup, et même dans les entreprises, hein, ils sont beaucoup à rire de l'autre. Et comme il est tout seul, en fait, il doit en prendre plein la figure et toujours digérer, quoi. Et t'as raison, à un moment donné, ça finit par être probablement très humiliant, très agaçant. Et même à un moment donné, on en a sûrement très marre, quoi. Pour autant, je pense que l'humour, c'est aussi un moyen de, quand on est dans un bien vivre ensemble, de partager des choses drôles. Mais je comprends que pour l'instant, à partir du moment où il n'y a pas de légalité, enfin, c'est pas ressenti comme ça. C'est comme si moi, on me dit, par exemple, en Chine, ce serait très très dur aussi. En Chine, il paraît que les Chinois sont très très, entre guillemets, c'est comme si je disais, les Chinois sont racistes avec les Français en Chine, quoi. Mais moi, des Français m'ont témoigné qu'en Chine, c'est pas si simple, quoi. Quand on vient d'Occident, c'est pas simple quand on est au milieu des Chinois, quoi. Enfin, voilà ce que je voulais dire, hein, pour alimenter ta réflexion. Je vois ce que vous voulez dire. Au niveau du fait que les Français, pour que les Français soient durs pour les Français d'aller en Chine, Bon, je sais pas, j'ai pas trop d'avis vu que je vis pas là-bas. Donc je sais pas si quelqu'un a un avis dessus. Bon, mais sinon pour revenir à ce que Samuel disait, enfin, il s'appelle Samuel du coup. quand il disait que à partir du moment où il fait de l'humour et qu'il voit que la personne ça la gêne et qu'il arrête, bah je suis d'accord. Mais des fois il y a des personnes qui intériorisent, on ne sait pas si ça leur gêne ou pas. Elles intériorisent parce que elles savent, enfin, pour beaucoup de raisons. Et du coup, comment est-ce qu'on peut savoir si ça pourrait gêner à cette personne si elle n'ose pas le dire? Enfin, comment est-ce que on peut s'autoriser à faire des blagues et que cette personne n'ose pas vous dire que ça la gêne? Comment, je ne sais pas si quelqu'un. Donc moi j'ai un petit élément de réponse, c'est que je suis par exemple du sud de la France, ça fait 20 ans que j'habite à Paris, donc l'accent que j'ai fait que j'ai via une sorte de mini racisme du sud par rapport au nord. Et donc pour répondre à la question, c'est que il suffit que soi-même on ait un petit peu l'expérience de ça au quotidien pour finalement pour se protéger, et on finit par faire une, comment appeler ça, intérioriser, et en fait dire bon allez je m'en fous, mais en fait on l'encaisse et basta cosi quoi. Parce qu'il y a deux possibilités, soit on dignette sans arrêt, et dans ce cas-là, c'est la guerre mondiale avec tout le monde, et vous perdez votre boulot et tout le bazar, soit vous essayez de survivre, quoi. Et donc, je dirais, pour ceux qui... ça va être un cliché contre cliché, mais pour ceux qui n'en souffrent pas, ne peuvent pas comprendre, parce qu'en fait, ils savent pas ce que ça veut dire, ils savent pas ce que c'est, mais une personne qui a quelque chose qui va le rendre différent des autres personnes va s'attirer... je dirais une certaine forme de racisme. Alors après ça, c'est des racismes qui sont très marqués parce que communauté africaine, donc là c'est très typé, etc. Ou légère, chinois, enfin le jaune, le marseillais, le mec du nord, enfin voilà. Quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à. Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. En fait, je pense qu'il faut. Développer notre capacité à avoir de l'empathie. Et effectivement, ce que tu disais sur le fait que quand on est gêné, on l'exprime pas, je pense que chez les Asiatiques, j'en parle d'expérience, c'est assez intériorisé parce que ça fait partie de notre culture, de notre éducation. Donc on nous fait une blague et nous, soit on est impassible... Soit on rigole parce que voilà, pour être politiquement correct. Moi, j'entends souvent mes amis très proches me dire des blagues genre dans les restos chinois on mange du rat ou du chien ou c'est crade. Bon, je rigole avec lui, mais si on leur disait dans les restos arabes on mange du rat, du chat, c'est crade. Dans les restos juifs on mange du rat, du chat, c'est crade. Dans les restos blacks, on mange du rat, du chat, c'est crade, ça sonne pas pareil. Donc je pense qu'il y a un racisme, une espèce d'humour, pour dire humour, anti-asiatique, qui est politiquement correct, qui est assez toléré, parce qu'on a l'habitude de pas réagir, tout simplement, mais moi je pense que maintenant, faut réagir. Je suis tout à fait d'accord avec vous, vraiment. Et... En fait, je disais que aussi, je pense qu'il y a des influences sur le fait qu'on ne réagisse pas. C'est pas aussi une question de culture. c'est pas aussi une question de culture. C'est aussi une question d'environnement. Le fait que personne ne réagisse, personne ne trouve ça choquant. Du coup, même moi, j'ai mis du temps à prendre conscience de ça. Enfin, alors que je suis tout à fait concernée. Oui. Excuse-moi de te couper la parole. Moi, je pense que cet humour-là, on ne doit pas l'avoir. Enfin, j'arrive pas à l'avoir. J'arrive pas à dire chez nos restaurants chinois, on mange du rat. Chez l'arabe, je sais pas quoi. Je sais pas le faire. Et j'arrive pas à trouver que ça soit de l'humour. J'arrive pas. Et je pense qu'il y a plein de gens qui devraient se poser la question et pas trouver ça normal de dire que chez le chinois, on mange du rat, que chez le juif, il est comme ça, que l'arabe, je sais pas quoi. On devrait pas le dire. Donc on ne doit pas chercher à savoir comment on doit encaisser ça, on doit essayer de dire, on ne doit plus le dire. C'est surtout ça que je pensais. Voilà. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, en fait, parce que moi j'aime beaucoup le second degré. Pardon, vous m'entendez pas bien ? J'aime beaucoup le second degré. Je suis très friande de cet humour-là. Ça me fait beaucoup rire. Et je pense que ça dépend surtout de l'intention. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu des débats sur est-ce que c'est de la liberté d'expression ou est-ce que c'est du racisme et est-ce qu'on doit arrêter cet humour-là. Et Dieudonné, notamment, on l'a accusé parce que son intention était mauvaise. Et que c'était pas dans un objectif de dénoncer le racisme et que c'était plus pour l'alimenter. Et je pense que c'est là qu'il y a un débat important. Je pense qu'il faut différencier quand on fait de l'humour, parce qu'on se base sur des clichés. On dit « Ah, mais t'as pas d'humour, tu rigoles pas », alors que c'est des clichés qu'on a entendus et répétés. Et quand c'est quelque part de l'autodérision qu'on fait sur soi-même ou sur la personne. Si on connaît vraiment la personne, on sait qu'elle va être à l'aise, qu'on va pouvoir faire de l'autodérision sur, par exemple, le fait que toi, t'es asiatique et moi, que je suis blanc, etc., qu'on va en jouer et que c'est pas quelque chose qui est lourd, qui est continu, qui est perpétuel. Et c'est juste, bon, de temps en temps, on se fait un petit pic, mais comme on se taquinerait pour d'autres choses où « Ah, t'as mis à telle série, t'es nul, moi, je préfère telle série », et que c'est à l'équilibre avec tout le reste, que c'est pas parce que il y a un côté racisé qu'on va mettre plus en avant cette forme d'humour, c'est acceptable. Si c'est ouais non mais c'est le cliché, tout le monde le fait donc je le fais, là je pense que ça ne l'est pas. Voilà, c'est aussi simple que ça que différencier. C'est si on le fait comme on ferait avec d'autres humours et puis bon bah on se base pas trop sur les clichés, on va être plus nuancé, on peut se permettre. Si c'est le gros cliché relou classique, on oublie. Je pense que c'est le plus simple, comme ça on est sûr de ne pas vexer la personne. Donc, voilà. Oui, moi, ce que je voulais dire, en fait, je suis assez d'accord avec plein de choses que j'ai entendues, même si elles paraissent parfois contradictoires. Je trouve que c'est extrêmement important que ça puisse être parlé, que ça puisse être dit, parce que la question de l'intention, elle me paraît extrêmement importante, parce qu'au final, je pense que c'est très dévastateur. Quand ça ne peut pas être dit, quand la personne ne peut pas réagir, qu'elle risque en plus de s'en sentir coupable de ne pas pouvoir réagir, alors que non, il n'y a pas à s'en sentir coupable. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment important que ça puisse être extériorisé, dit, etc. Voilà. Ah, bon, je recommence ? Non, c'est bon. Ok, mais voilà, j'ai dit ce que je voulais dire en fait. Juste un petit point technique rapidement, pour qu'on entende tous correctement, il faut parler fort dans le micro. Parler, comme si je parlais à quelqu'un qui était à 30 cm de moi, même avec un micro, ça ne suffira pas pour tout le monde. On le tient proche de sa bouche et on parle un petit peu fort s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse entendre, parce que je sais pas si ceux qui sont assis l'ont vu, mais il y a de plus en plus de monde. Oui. Juste une question. Est-ce que tu connais un comique qui s'appelait Coluche et qui, lui, il pouvait se moquer de tout le monde, des juifs, des arabes, parce qu'il se moquait beaucoup des Français aussi. Et il pouvait dire vraiment n'importe quoi, c'était jamais une insulte. Comme vous avez pu voir, il y a énormément de... C'est très subjectif, l'humour. Du coup, il y a ceux qui l'acceptent, ceux qui veulent qu'on enlève complètement ce genre d'humour second degré avec des stéréotypes, ceux qui en rient beaucoup. Et il y a aussi, comme la dame qui avait parlé d'intérioriser. Et sur ce fait, je comprends tout à fait parce que... Du coup, c'est que quand on intériorise, c'est comme si on survivait, si on reprenait tout sur nous, on survit carrément et du coup, on a aussi un peu peur de le dire à voix haute. Mais au niveau de l'humour, je vois toujours pas quelles pourraient être les limites de l'humour vu qu'on est tellement tous différents que je sais pas comment. Moi, je dis que à l'humour, il n'y a pas vraiment de limite. C'est juste, on peut pas rire de tout avec tout le monde. Et après, il faut savoir différencier vraiment l'humour et l'attaque. Il y a des fois, c'est pas de l'humour, c'est juste pour attaquer une personne ou pour lancer des pics. Et des fois, voilà, c'est pour dénoncer, c'est ou juste pour blaguer, voilà, avec une personne. Enfin voilà, sur comment elle est, sur comment. Enfin voilà. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est une attaque ou si ça l'est pas? Enfin, comment on peut la différencier? Oui. Je pense que ça, c'est à force de connaître la personne, on voit un peu comment elle pense, comment elle réagit. Si on a des débats politiques avec elle, si on voit que c'est quelqu'un qui est raciste, bah on sait que quand il va dire « Ah, le noir, attends, oh, monsieur pourrir », bah non, c'est pas... Parce qu'on voit, on a tout le contexte, en fait, on sait vraiment comment la personne pense. Coluche, il a fait des sketchs qui, à l'heure actuelle, ne passeraient plus, mais c'est parce que, comme on a dit, il tapait sur tout le monde et on savait comment il pensait à côté. C'est pas, comment dire, on peut pas le sortir du contexte, on sait le personnage, on sait comment il pense. Si là je te fais une blague sur les Asiatiques, tu vas me dire ah bah non t'es peut-être raciste, alors que si on se connaît, bah tu vas voir que non, j'en fais sur d'autres, je peux avoir l'autodérision, etc. C'est peut-être un peu borderline, mais par exemple il y a la même problématique avec tout ce qui est l'homosexualité. Si on est homo, on va dire moi je suis pédé, je l'assume totalement. Par contre, si quelqu'un me traite de pédé, là ça va être une insulte. Tandis que si moi j'en parle, je m'approprie le terme. Pareil pour Gwyn ou autre, ça dépend de la personne. La personne peut se l'approprier, ou même si on peut dire je suis nègre, on se l'approprie. Par contre, si on est en tant que blanc, on dit à quelqu'un d'autre tu es un nègre, là c'est une forme de racisme. Donc c'est toujours le côté appropriation des termes, mais en tant que si on est blanc, cisgenre, etc., on va pas pouvoir forcément dire les mêmes choses à une autre personne. Ou des blagues sur les femmes, ça peut être ouais, moi je suis un mec et tout, je vais faire des blagues sur les filles, ouais, mais bon, t'as pas d'humour, t'es une nana. Ouais, mais la fille, elle s'en prend plein, comment dire, elle a plein de remarques sur sois belle et tais-toi, etc. On peut pas se permettre ça. Qu'elle, elle, le fasse en autodérision, qu'elle en rigole, pourquoi pas. Mais moi, j'ai pas à le faire si je sais que, tant que je sais pas que la personne peut éventuellement l'accepter ou qu'elle est à l'aise avec ça ou pas. Donc c'est vraiment attendre de voir comment pense la personne et se présenter nous pour montrer un peu ce contexte, voir qu'on est plutôt féministe, qu'on est pas du tout raciste, etc., pour créer un climat de confiance et après voir qu'est-ce qu'on peut se permettre ou pas. D'où le on peut rire de tout, mais pas être. Donc vraiment, une fois qu'on sait juste qu'on peut rire, bah on peut le faire, mais tant qu'on sait pas, bah on reste politiquement correct, on va dire. C'est en tout cas, c'est mon point de vue. Je sais pas si vous allez partager. Pour répondre à ta question, quand j'ai enfant, quelqu'un m'avait j'avais fait une sortie, j'avais fait une connerie comme ça, enfin une blague à la con, et quelqu'un m'avait dit ne fais pas ce que tu voudrais, enfin ne fais pas ce qu'on, ça y est, je ne me rappelle plus, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on fasse à toi-même. Et voilà, pour moi c'est ça la limite, c'est-à-dire que si je fais de l'humour, déjà je m'amuse pas à attaquer quelqu'un parce que ben si je me mets à sa place quelque part. Donc voilà. En fait, je voudrais parler des codes, parce que je pense qu'on comprend un humour si on a les codes pour le décrypter. Un exemple, c'est en fait, moi j'ai eu des élèves en ZEP à la porte de Saint-Ouen, et après janvier 2015, eux ils étaient en colère, ils n'étaient pas du tout Charlie, parce qu'ils comprenaient pas les caricatures où on voyait le prophète qui était... caricaturé. Donc en fait ces enfants-là, on peut dire qu'ils n'avaient pas du tout les codes culturels pour décrypter cette information. Et les enseignants avaient beau leur répéter que c'est la liberté d'expression, blablabla. Des enfants de 6 à 10 ans, c'est difficile pour eux, donc en fait ils riaient pas du tout. Et alors ils ont fini par admettre parce que bon voilà, on leur a rabâché, mais c'était pas du tout dans leur... culture, enfin, les dessins ne les faisaient pas rire du tout. Et je voudrais raconter aussi une anecdote qui m'est arrivée dans une cour d'école où je suis arrivée, j'entends Shintok. Donc je me retourne et je pensais vraiment que ça m'était destiné. En fait, pas du tout. C'était deux petits gamins noirs qui s'insultaient l'un l'autre en se traitant de Shintok. Et j'en prends un, je lui dis à qui tu dis ça là? Il me dit bah je dis ça à mon copain. Je dis mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Et il me dit bah oui, on dit ça à quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc voilà. Alors je sais qu'il y a une notion aux États-Unis et même en France. Plus fort, ok. Je sais qu'il y a une certaine notion aux États-Unis et même en France que parmi la communauté asiatique, on lui dit assez souvent qu'il y a beaucoup de minorités qui reçoivent beaucoup plus de racisme. Et c'est une notion assez populaire au pays occidental. Et moi, je n'en suis pas d'accord, mais qu'est-ce que vous diriez à ces gens qui pensent que le racisme anti-asiatique n'importe pas n'est pas important qu'il y ait pure forme de racisme. Bah, qu'est-ce que je dirais à ces gens beaucoup de choses, donc je pense que je leur ressortirai tout ce que j'ai dit précédemment. Enfin, mais c'est justement ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le banalisent énormément et qui disent que c'est pas important. Du coup, j'essaye vraiment d'en parler souvent pour pas qu'on nous mette de côté, qu'on nous exclue ou quoi que ce soit. Et pour ce qu'avait dit le témoignage de madame précédemment, c'était bien au niveau... Enfin, je m'étais pas encore posé les questions au niveau des enfants. Et c'est vrai que les enfants, ils ont pas forcément le même humour. Et c'est comme si c'est nous qui l'imposons aux enfants, cet humour. Et voilà. Et du coup, faudrait aussi voir la question des enfants. Est-ce que quelqu'un a des questions ou des remarques, quelque chose à dire? Et il reste combien de temps? 10 minutes? Ok. Du coup, je sais pas trop si de là on est d'accord à dire que pour faire de l'humour, il faut forcément connaître la personne. Si... Ou si on peut s'autoriser à faire de l'humour... enfin, je sais pas comment dire. J'arrive toujours pas à déterminer parce que vous êtes trop tous différents. Ouais. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'intention qu'on peut avoir quand on fait une blague, et on dit quand l'intention est bonne et qu'elle n'est pas raciste, on ne devrait pas avoir à se contrôler, etc. Je pense que c'est intéressant, mais je pense qu'il faut aussi, quand on fait une blague, accepter la réaction, parce que la communication, c'est pas juste l'intention, c'est aussi comment c'est reçu, et peut-être se dire qu'on va tenter les blagues qu'on tente, peu importe, mais accepter aussi que peut-être parfois elles vont pas passer, et accepter d'écouter l'autre à ce moment-là, et comprendre pourquoi ça passe pas et comment on peut faire mieux. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a des remarques à faire ou à dire? Parce que moi, personnellement, j'en ai pas forcément là tout de suite à dire. Du coup, si personne a quoi que ce soit à dire, peut-être que ça va s'arrêter là. Bon, bah, on va s'arrêter là. Merci à tous en tout cas de m'avoir écouté. Merci à toi pour ton intervention.